Chapitre 8e. Les élections dans la circonscription où M. Denis se portait avaient eu jusqu'à ce jour un caractère singulier. Tandis que M. Denis, le vrai candidat du préfet, se présentait en déclinant le concours de l'administration, son concurrent, M. Faucillon-Latapie, combattu en sous-main par tous les fonctionnaires, affirmait au contraire haut et ferme que ce concours lui était acquis. Tout autre préfet que le comte de Chélus eût voulu sortir de cette situation ambiguë. Mais pour lui, il s'en amusait, et il y trouvait un inépuisable sujet de plaisanterie avec ses familiers. Il avait joué si souvent la comédie du suffrage universel qu'il n'y prenait plus intérêt que lorsqu'il pouvait y introduire un élément imprévu. Il en était de lui comme de ces gâtés par le succès qui, après avoir tenu sérieusement le rôle, en lui donnant tout ce qu'ils ont d'intelligence et de talent, en arrivent, aux dernières représentations, à se moquer du public et à faire leur propre charge. À ses débuts, il avait acquis une véritable célébrité par la façon habile dont il pétrissait la matière électorale et en tirait ce qu'il voulait. En Normandie et plus tard en Alsace, il avait obtenu dans ce genre des succès qui passaient toute mesure sans avoir éprouvé jamais un seul échec. Il suffisait qu'il mît la main dans une élection pour la faire réussir, quel que fût le candidat qu'il eût choisi ou qu'on lui eût imposé. À la longue, cette habitude de la victoire l'avait gâté, et il avait apporté dans les élections une nonchalance qu'il n'avait pas dans sa première jeunesse. Bah, disait-il lorsqu'on voulait le faire agir, rien ne presse. Pendant les derniers jours, il se rate encore. Mais ce village vous est hostile. Nous le gagnerons. Un branquet aux pompiers, une poignée de main émue au curé, une bonne peur au maire, et nous aurons la majorité. Notre candidat n'inspire aucune sympathie. Qu'importe, le candidat n'est rien, les électeurs ne sont rien, le préfet est tout. Le suffrage universel est un instrument dans lequel le préfet souffle. Si le préfet est un artiste, l'instrument lui obéit. S'il n'est qu'un savetier, l'instrument laisse échapper des couacs. J'ai la prétention de n'être pas un savetier. Une fois qu'il était sur ce sujet, il ne s'arrêtait plus, et il racontait une foule d'histoires pour justifier son assurance. Dans le nombre, il n'y avait une qui revenait souvent dans ses récits parce qu'elle était tout à fait caractéristique. « Quand j'étais à Strasbourg, disait-il, j'avais pour secrétaire particulier un garçon charmant qui eût fait un beau chemin dans la politique s'il n'avait pas été attaqué au cœur par une maladie qui ne pardonne pas le sentiment. Malgré toute son intelligence, il avait eu la sottise de mettre sa vie dans l'amour. Il était l'amant d'une femme charmante aussi qui, bien entendu, était mariée, Madame Aubernin. Comme tous les amants dans sa situation, il avait besoin de plaire au mari et de lui rendre des services qui le maintinssent quand même dans la maison. À bout d'expédient, après avoir usé son répertoire, il lamenta de faire nommer le mari conseiller général. Il vint me conter son embarras et je l'accueillis à bras ouverts, d'abord parce que j'avais beaucoup d'amitié pour lui, et puis ensuite parce qu'il y avait dans cette manière d'agir un sentiment politique qui me semblait devoir le débarrasser de quelques préjugés qui avaient entravé sa carrière. Il avait été jusque-là assez grincheux pour les choses de la conscience. Il se formait et commençait à comprendre que tout doit céder devant notre intérêt personnel. Seulement une difficulté se présentait. Le conseiller général, qu'il s'agissait d'abandonner pour donner sa place au mari protégé par mon secrétaire, était un des plus riches industriels du pays. C'était un de ces Alsaciens qui prennent à cœur d'employer leur fortune au profit de tous. Il avait construit des routes à ses frais, bâti des maisons pour ses ouvriers, des hôpitaux, des écoles, des refuges, des auberges pour les ouvriers voyageurs. En un mot, il était estimé de tout le monde, et dans son canton il n'y avait personne qu'il n'eût obligé. Le mari de notre belle dame était au contraire un vrai fils de bourgeois, qui n'avait jamais eu d'autre souci que d'augmenter sa fortune petit à petit, sûrement et par de bons moyens, qui ne pouvaient profiter qu'à lui seul. Dans ces conditions, il était vraiment assez délicat de dire aux électeurs « Voici un candidat que vous connaissez, que vous aimez, qui a tout fait pour vous. Vous ne le renommerez pas tout simplement parce que nous n'en voulons plus. Nos raisons sont bonnes ou mauvaises, nous n'en voulons plus, cela suffit. Au contraire, en voici un autre qui n'a rien fait pour vous et que vous nommerez parce que nous en voulons. Nous en voulons, cela suffit. » J'essayais de présenter cette objection à mon secrétaire, mais je vous l'ai dit, c'était un garçon intelligent qui me connaissait bien. « Est-ce que vous n'avez pas envie de voir ce que vous pouvez dans ce pays ?» me dit-il. « Pour un joueur tel que vous, il n'y a d'intérêt à jouer qu'avec de mauvaises cartes. » C'était me prendre par mon faible. Je risquais la partie, et comme elle était aventurée, j'intervins moi-même dans la lutte. « Mère, juge de paix, curé, pasteur, gendarme, garde champêtre, garde forestier, instituteur, cafetier, débitant le tabac, je mis tout le monde en réquisition et jouai le grand jeu. Notre mari fut nommé avec quelques voix de majorité seulement, mais enfin, il fut nommé. Il fallait des conditions de ce genre pour qu'il s'occupât maintenant sérieusement d'une élection. Voilà pourquoi celle de M. Denis piquait sa curiosité. Pour elle, il n'était pas seulement question de bien jouer son rôle de préfet, c'est-à-dire de montrer du zèle et du dévouement en parole, de manière à renvoyer chaque candidat content. En réalité, elle l'intéressait, et il prenait un véritable plaisir aux manœuvres des deux concurrents en même temps qu'à l'embarras des maires, qui littéralement perdaient la tête au milieu de cette situation embrouillée. Ces malheureux maires étaient devenus pour lui un sujet de distraction, et le fidèle Pouletier avait l'ordre d'introduire, sans les renvoyer ou les faire attendre, ceux qui appartenaient à ce qu'on appelait la circonscription de Nice. « Eh bien, mon cher maire, disait M. de Chalus quand il voyait un maire rentrer, la mine longue et l'attitude gênée, qu'est-ce qu'il y a donc ? Ce n'est pas un malheur qui vous soit personnel, n'est-ce pas ? Madame est en bonne santé, et votre petite fille ? Je n'ai pas d'enfant, monsieur le préfet. Pas d'enfant ? Comment vous n'avez pas d'enfant ? Ce n'est pas ce que la chronique raconte. Enfin, rien de personnel, n'est-ce pas ? Parlez vite, ne me laissez pas dans l'inquiétude. Vous savez quelle sympathie j'éprouve pour vous, le premier maire de mon département, car vous êtes le premier, vous savez. Pas le second, le premier. Aussi, vous serez le premier décoré, foi de préfet. À cette promesse chaleureuse, la figure du maire s'épanouissait, mais pensant à ce qu'il amenait, elle se rembrunissait aussitôt. J'ai vu M. Fossion la tapis, et il prétend que c'est lui qui est le candidat du gouvernement, et que si on ne vote pas pour lui, ça fâchera l'empereur et ça mènera la République rouge. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois que j'ai eu le plaisir de vous voir et l'honneur de vous serrer la main ? Vous nous avez dit, au maire de Saint-Michel et à moi, que c'était M. Denis qui était le candidat de l'empereur, et ça nous a fait plaisir parce que M. Denis est un homme pour qui on peut être fier de voter. Tout le monde le connaît. Et avec lui, on n'est point exposé à s'entendre dire « Tu sais, ton député, celui que tu nous as tant recommandé, il sera en faillite la semaine prochaine. » Ce qui n'est pas agréable pour un maire qui a sa responsabilité. Mais tandis que M. Faustion Latapi dit partout qu'il est le candidat de l'empereur, M. Denis, quand on lui demande s'il l'est aussi, répond qu'il ne l'est pas. Lequel croire ? Vous savez quelle est la première règle de la politique, n'est-ce pas, mon cher maire ? C'est de croire le contraire de ce qu'on vous dit. Appliquez cette règle à l'élection et vous êtes fixé. M. Latapi dit qu'il est notre candidat, il ne l'est pas. M. Denis dit qu'il ne l'est pas, il l'est. Rien de plus simple. Bien sûr. Pourtant, on ne voit pas bien pourquoi le gouvernement ne se prononce pas franchement. Ce que vous dites là est très profond. Et l'homme qui voit qu'il ne voit pas est très fort. Je pourrais vous donner les raisons du gouvernement. Mais comme j'ai confiance en vous, je ne vous les donne pas. Il y a des maires à qui j'ai donné ces raisons, mais ceux-là n'étaient pas les premiers maires de mon département. Ils demandaient à comprendre. Est-ce qu'un homme intelligent a besoin de comprendre ce que son gouvernement lui demande ? Il obéit et ne raisonne pas. Comme tous les maires étaient d'aussi bonne composition et ne se contentaient point de ces explications, d'un autre côté, comme les journaux de l'opposition commençaient à devenir gênants, le préfet fut bien aise d'avoir une occasion pour donner le dénouement à cette comédie. Le soir même de son entretien avec Sainte Ostrebert, il signifia à M. Faucillon Latapi son exécution. « Cher ami, lui dit-il avec son air le plus gracieux et de sa voix la plus douce, vous m'avez demandé souvent d'affirmer le rôle de l'administration dans votre élection. Le moment est venu, en effet, où nous devons nous prononcer. Ah, enfin, j'ai la douleur de vous annoncer que c'est M. Denis qui sera candidat officiel. Je vous dis cela brusquement, en deux mots, parce que je suis navré d'avoir à vous porter un pareil coup. Dans ma longue carrière de préfet, aucune mission ne m'a été plus pénible. Mais que voulez-vous ? Il le faut. Ce qui, jusqu'à ce moment, avait suspendu la décision du gouvernement, c'était l'état de votre situation commerciale. Cet état s'est aggravé. Nous ne pouvons pas soutenir officiellement un candidat qui, d'un jour à l'autre, peut être, il faut dire le mot, peut être au-dessous de ses affaires. Pour moi, cher ami, je suis ainsi fait, que je ne peux pas voir le malheur de mes amis, et lorsque leur ruine est irréparable, j'ai l'habitude de me séparer d'eux immédiatement. Croyez à toute ma sympathie. Mes affaires ne sont pas ce qu'on dit, mais vous pouvez me perdre en m'enlevant votre appui. Désolé, navré, je n'y peux rien. Voyez le ministre. Pour moi, je vous le répète, je vous promets ma sympathie et je vous promets aussi de ne pas vous combattre. j'appuierai M. Daunis, voilà tout. » Pendant un quart d'heure, il prodigua ses consolations à cette malheureuse marionnette. Il fut éloquent, il pleura presque, et finalement il s'en débarrassa en l'envoyant à Paris. Puis, cette exécution accomplie, il s'occupa activement de tenir la promesse qu'il avait donnée à sa toste Berthe, et le samedi matin, à l'heure de la marée, les gens qui passaient sur le pont de Bordeaux purent voir une flottille de petites embarcations qui sillonnaient la Garonne, allant et venant au milieu des grands navires du quai de Kerry au quai vertical, des magasins généraux au quai de Bacalan. Dans ces embarcations, on apercevait des personnages coiffés de casquettes galonnées d'or. La foule s'arrêta, s'amassa sur le pont et sur le quai. Que se passait-il? Que faisaient donc ces personnages? Leur occupation paraissait inexplicable. Lorsque leur embarcation s'éloignait de l'endroit où elle s'était arrêtée, on apercevait sur l'eau troublée du fleuve un petit drapeau tricolore flottant au-dessus d'une bouée. Les journaux de la préfecture donnèrent l'explication de ce mystère. On étudiait l'emplacement des digues qu'on allait construire pour rectifier le cours de la Gironde et permettre aux plus grands navires de remonter à pleine charge jusqu'à Bordeaux, qui allait devenir un Liverpool. Depuis le pont de Bordeaux jusqu'au Verdon, les ingénieurs, les piqueurs, les employés des ponts et chaussées mouillaient aussi partout des bouées ou plantaient des balises. Enfin, on allait bientôt commencer l'exécution du gigantesque projet de M. Daunis, l'ancien et le futur député de la Gironde, de M. Daunis, le candidat officiel de l'administration.